Donc voilà, on est le 17 août 2023, je suis à nouveau avec Sylvain et Turian, et on vient de jouer la première partie donc, du scénario, toujours de la campagne, L'Ordre et le Sauvage, scénario qui s'appelle La Terreur, et voilà, et donc bah, on va gentiment débriefer ce moitié de scénario, quoi. Bah, voilà, Sylvain et Turian, déjà, en premier temps, comment ça va et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Moi ça va, mais je suis fatiguée, j'arrive pas à me sortir de ma fatigue, mais c'est à côté du jeu. Moi ça va. Ça va. Ça, j'ai enfin, du temps, ça va. Bon. Bon bah moi aussi ça va, un peu fatigué mais rien de bien méchant. Du coup bah ma question suivante c'est donc là on a joué à peu près 3 heures. Est-ce qu'il y a une scène en particulier qui vous a marqué, que vous avez envie de nous remettre en tête quoi? Alors, je ne l'ai pas vécu, du coup, enfin, mon personnage ne l'a pas vécu, mais la toute dernière, là. L'attaque des L'attaque moutons. des moutons, moi je dis que c'est quand même un combat épique. Après, tous ceux qu'on a traversés, quand même, finir avec une attaque de moutons, je trouve ça très rafraîchissant. Ah, c'était épique as fuck, Et très, très risqué, hein. hein. Très Ah, risqué. bah oui, parce que là, t'as quand même joué ta vie, Très hein, risqué. Sylvain, là. J'ai envie de m'en souvenir. J'ai envie de les mettre. Il y a deux scènes. J'ai un souvenir, effectivement. Là, j'ai abondé dans le sens de Turenne pour cette scène dantesque, mythologique, de combat contre des moutons. J'ai envie de me rappeler la scène où on a abandonné l'aubergiste. Parce que Ah oui. ça montre les antipodes dans lesquels moi j'ai dû naviguer avec Erin. J'ai retrouvé combattante vraiment sur la toute fin et positive. Parce que c'est ce qu'elle est, même si elle change de voix, elle reste fondamentalement positive. Elle se voit ou elle se perçoit comme étant une héroïne, même si sans doute il va falloir qu'elle apprenne à gérer avec. Avec la voix qu'elle va avoir. Donc, est-ce que ça va être encore compatible avec ce qu'elle va vivre? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle fait un peu les montagnes russes là aujourd'hui. Voilà, c'était les deux scènes où je voulais me rappeler. Enfin, les scènes où je voulais me rappeler. Parce que j'en mets un tout petit peu de contexte pour l'auditoire, parce que bon, pour nous c'est transparent, mais pour ceux qui nous, les personnes qui nous écoutent, grosso modo, donc Néné, donc ton personnage Sylviane, t'avais confié le bébé Strige donc à l'aubergiste là de Normont-Ferrand parce que comme t'avais rejoint la milice, tu pouvais pas trop t'en occuper, voilà. Au départ, l'aubergiste et ses camarades faisaient plutôt partie des dissidents, donc était un mouvement anti-milice, quoi. Mais en fait, ça s'est radicalisé en un mouvement bah, du coup pro-écorcheur, quoi. Qui était en mode, c'est pas qu'on considère que les écorcheurs sont sympas, mais en fait, si on les aide à saper la milice, eh ben, ils nous épargneront, quoi. Hein, c'était un peu le côté pragmatique et tout. Et du coup, ils ont effectivement rejoint le camp des écorcheurs, donc, et notamment l'aubergiste avec le bébé Strige, avec Juliette. Et donc, quand vous alliez partir de Normanfort, on vous a dit, oui, mais en fait, Juliette, du coup, elle est chez les écorcheurs avec la femme aubergiste. Et donc, toi, t'as voulu, Néné, t'as voulu aller la récupérer, quoi, aller récupérer le bébé, quoi. Et du coup, l'aubergiste, ben, elle a voulu vous suivre parce qu'en fait, vous l'avez trouvé borgné. Oui, les écorcheurs, elle l'avait rejoint les écorcheurs, mais les écorcheurs l'avaient mutilé parce que c'est un peu ce qu'il faut faire pour entrer chez eux, quoi. Et puis, de toute façon, ben, elle avait choisi le camp des perdants parce que les écorcheurs, du coup, étaient attaqués par les miliciens, un coup de calache, un coup de famas et tout. Et donc, elle a voulu te coller au basque, ben, pour survivre, en fait. Mais toi, tu n'as pas vu cette oreille, quoi. Hein, Non. Tu lui as donné un coup de crosse pour qu'elle puisse pas te suivre. Et du coup, après, elle a essayé un petit peu de... C'est pas qu'elle a voulu... Et toi, t'as eu la possibilité également, Erin, de sauver l'aubergiste éventuellement des tirs des miliciens. Mais de même, t'as choisi de ne pas le faire parce que... Bah, tu t'étais pas d'accord avec son choix d'avoir rejoint les écorcheurs, quoi. Donc voilà, quoi. Et c'est vrai que là, je pense que c'est un moment où on voit... la radicalité de vos personnages, ou en tout cas, bah voilà, oui, effectivement, ils sont face à des anciens amis qui n'ont pas pris le même chemin, quoi. Et en fait, la réconciliation est plus possible, quoi. Mentalement, c'est au-delà de leur force de. Voilà, quoi. Puis, vous avez fait le truc intéressant de. Du coup, du fait que vous la rejetiez, ou la slash la protégiez pas, elle mourait sous les balles des FAMAS. Et en fait, vous aviez la possibilité de ressentir le choc mental à condition que vous vous sentiez responsable de sa mort, quoi. Et mais tous les deux dites, non, en fait, on n'a pas le choc mental, quoi. Parce que c'est pas. Voilà. Vous vous sentiez pas responsable ou Elle avait fait ses pas choix. en mesure de porter. Pour vous, c'était elle qui était responsable de sa propre mort, quoi. Sa propre fin. Et puis, toujours pour remettre du contexte, effectivement, donc toi, tu as développé la magie noire, notamment pour te venger de Pistache. Oui. Ton tortionnaire, la Goupil, sauf qu'après, lors de la fuite de Normont-Ferrand et tout, bah, tu t'es rendu compte que le problème, c'est que la magie noire, une fois qu'on a commencé à en faire, ça peut pas s'arrêter, quoi. Donc il faut très rapidement que tu trouves une nouvelle personne à maléficier, sinon ça va te bouffer, quoi. Et donc, tu étais en mode prospection, qu'est-ce que je vais bien pouvoir maléficier? C'était pas forcément facile parce que dans le village, pour le moment, il n'y avait pas de personne Les gens sont sympas, antagoniste que tout à tu fait. voulais maléficier. Ouais, maléficier les gens étaient relativement sympas, quoi. Alors, tu voulais essayer de rencontrer le goupil du coin, mais pour le moment, tu as entendu parler, tu ne l'as pas encore vu. Ouais, voilà, donc pour les scènes en mémoire. Toi, est-ce qu'il y a une scène dans le... C'était plus plus. Ouais, est-ce qu'il y a une scène qui... Bah, si, moi j'ai une scène qui est importante pour moi quand même, c'est la soirée que vous passez avec Mailleul, donc vous rencontrez sur le chemin une accoucheuse de souvenirs, quoi, en gros, une vieille qui a été abandonnée par sa communauté parce qu'elle boitait, et donc elle les ralentissait, quoi. Donc elle a été abandonnée ou elle s'est laissée abandonner, on sait pas trop quoi. Et vous la recueillez et puis donc pour se rendre utile, elle décide de vous aider à retrouver chacune un souvenir heureux quoi. Et ça c'était une scène assez chouette et puis je pense importante dans le sens où un des enjeux principaux de cette campagne, c'est de réussir à maintenir. Bon après on peut changer de personnage hein. Dans la campagne, c'est pas grave si on change de personnage. Mais si on veut garder les mêmes personnages, bah, il y a toute une opération de les maintenir à flot, en fait, en état émotionnel, bah, d'être joué, quoi. Puis d'être joué de façon intéressante. C'est-à-dire que moi, en tant que MJ, si vous jouez définitivement Erin ou Néné comme des fanatiques ou des personnes totalement insensibles, si vous faites sur le long terme, personnellement, ça va juste pas m'intéresser, en fait. C'est pas. Moi, je préfère quand même que les personnages soient nuancés et que je puisse empathiser avec vos personnages, quoi. Enfin, je vous demande pas de tout accepter si vous arrivez avec le sourire, quoi, mais si les personnages sont totalement dans la négativité, c'est pas possible. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y avait un lien entre vos deux personnages qui était quand même très distendu, quoi, comme ils étaient tous les deux, bah, en trauma, hein, simplement, quoi. Donc vous arrivez plus à relationner. Ils se Tout à parlaient fait. plus et tout. Alors certes, Néné, t'as sauvé Erin des écorcheurs et tout. Enfin, il y avait quand même une solidarité entre les personnages, mais il n'y avait plus d'affection, de lien. Le lien n'avait D'intimité. plus de sens, quoi. Et donc, bah, c'est cette médiation par Mailleul qui vous permet d'explorer des souvenirs heureux. Et puis même, bah, ensuite, qui insiste pour que... Et puis le fait que vous ayez joué le jeu, quoi. Parce que c'est vrai que vous auriez pu... Après, même dire non, mais on veut pas se souvenir, on n'a pas de souvenir heureux, on n'arrive pas à recréer le lien. Enfin, vous auriez pu refuser cette perche, quoi. Est-ce que tu Mais crois? bon, du coup, ça, en fait, quelque part, c'est aussi on restaure la relation aussi entre nous trois. La relation de jeu, tu vois, c'est-à-dire un certain pacte est restauré en fait à travers cette scène-là, quoi. C'est-à-dire que lors du siège, si on a une relation à trois, c'est-à-dire que tu as fait subir à Erin et à Néné. Non, mais c'est vrai. T'as fait subir du trauma à Erin et à Néné, et du coup, parce qu'elles ont choisi des voies différentes dans le fait d'aborder le siège. Mais je te, enfin, moi ou la campagne, enfin, tu le vois comme tu veux, et je suis effectivement très très responsable d'abîmer les personnages, d'abîmer les relations entre personnages et tout, C'est ça. et de mettre en péril du coup Tout bah, à la fait. jouabilité, quoi. Tout à fait. Après. C'est clairement en fait, c'est clairement une campagne où on tape sur la jouabilité en permanence, quoi, Après, je pense jusqu'où on peut aller et continuer à que. jouer quand même, quoi. Après, je pense que j'avais besoin de. Et c'est pas fini. Ça va sur autre chose, je pense, derrière, mais j'avais besoin que Erin soit seule. Alors, soit seule. Soit seule avec elle-même. Alors, en présence de Néné, et on n'a pas de. Je me suis montré gentil, etc. Pas encore dans la confiance en soi. De toute façon, j'ai pas confiance en moi parce que je sens que je vais partir en sucette. Donc, on parle dans deux, trois scénars, savoir si la confiance est restaurée et puis si on devient un duo complètement maléfique d'alchimiste et de cercle noir et ça devient n'importe quoi. C'est ça. En tout cas, là, je la sens pas suffisamment stable dans ce qu'elle est en train de faire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, les montagnes russes, pour du coup, on va rester ensemble. Je te fais confiance par principe, mais là, ne demandez pas plus parce qu'elle est incapable de se définir elle-même. Là, Ouais, puis en plus, si je puis me permettre, le répit a quand même été de courte durée. C'est-à-dire qu'on a fait un moment de chill de 1 heure, quoi. Grosso modo, on a fait une interpartie de 1 heure où on a essayé de jouer plutôt des trucs dans la reconstruction des personnages. Et puis après, on repart sur le scénario proprement dit. Et finalement, assez rapidement, les ennuis reviennent, quoi, dans le scénario, quoi. Alors, avec des attaques, papillons et de moutons. Et des comptines d'enfants massacreuses. Je suis content de l'évolution et du fait que finalement on ait restauré effectivement cette dimension de jeu, même si je sens que ça va être compliqué. En tout cas, peut-être pas la prochaine fois, celle d'après. Cette partie-là, je l'appréhendais. Je me disais, en tout cas, je l'appréhendais. C'est un truc Oui, bizarre à mais dire, c'est mais vrai que c'est en tout cas, comme cette partie-là, je l'appréhendais parce que je me disais, yes, c'est là qu'il y a la bascule, entre guillemets, vers le côté obscur, hein, parce que Erin bascule vers la voie du cercle noir, parce que ça lui a sauvé la vie. C'est comment est-ce que j'allais arriver à jouer ça? Comment est-ce que j'allais arriver à intégrer ça à ce personnage-là? Donc j'y mettais un certain enjeu et il fallait de toute façon qu'elle puisse souffrir de cette transformation, je pense. Et que là, j'ai besoin d'une victime et avec tous ces gens sympas autour, là, Erin, elle ne sait pas quoi faire parce qu'elle a besoin de faire du mal. Voilà. Je sais un peu mieux où je vais avec Erin, là, qui a subi une transformation. C'est bien, ça m'a changé ma routine de super-héroïne, même si elle est quand même ça. Donc, une super-héroïne qui fait le mal, là, ça va être super intéressant à envisager. Bah, du coup, ça m'amène à ma dernière question. J'ai d'abord la poser à Turenne, parce qu'on a beaucoup échangé là, tous les deux, Sylvain, qui est, bah, Turenne, comment tu te projettes dans là où les séances à venir et tout, comment tu vois l'évolution de ton personnage? Est-ce que tu as des requêtes par rapport à nous, par rapport au jeu? Là, du coup, j'ai pu retrouver une mission de vie. En effet, de repartir avec un personnage un peu apaisé, et en tout cas dans des dispositions un peu plus négatives, un peu plus ouvertes quand même, et c'est quand même mieux à jouer. En effet, moins fermé, on peut pas rester dans, comme tu dis, dans ces radicalités qui ça devient plus jouable. Donc il en restera un destin à trouver, mais je me dis que oui, à la fin du scénar, peut-être, il y a justement Dégager, ouais. là ce passage par ce village en apparence tout tranquille qui cache certaines choses, ou peut-être voilà, aboutir sur ça. Bon, sachant que ben, je veux pas trop spoiler le scénar, mais c'est le scénar charnière de la campagne. C'est-à-dire que du coup, après, vous avez vraiment été à la croisée des chemins. D'accord. Vous aurez plusieurs alternatives possibles et tout. Donc, en fonction de ce que vous allez vivre dans le scénar, vous allez sans doute prendre des choix de carrière très différents, quoi, entre guillemets. Ok. D'accord. Très bien. Comme si Normont-Ferrand n'avait pas été assez traumatique. C'est pas forcément traumatisant Ah. à un moment charnière. Oui, après, bon, c'est vrai que je vais pas vous mentir sur le fait que bon, ce scénario-là, la terreur n'est pas non plus un scénario très feel good. On n'est pas forcément dans l'outrance de Normand-Ferrand, où là c'est vraiment l'hécatombe et tout. Mais bon, vous êtes à peine arrivé, il y a déjà un enfant qui meurt et tout. Enfin, c'est quand même pas. Enfin, finalement, vous n'avez pas soufflé si longtemps que ça, quoi. Et là, Je m'en vous fiche, je me êtes. sens pas coupable. C'est lui qui a dit que ça portait malheur. Pas moi. Toi, comment est-ce que tu te projettes? Ben, je suis très curieux. Bon, moi, je vois encore que on prend notre temps, puisque là, donc, en 3 heures, on a fait que la moitié du scénario. J'aimerais plutôt une petite moitié. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'était vraiment très important qu'on fasse une interpartie et tout. Mais du coup, je pense qu'on a encore pas mal de temps à faire sur cette campagne. Peut-être même qu'on discutera ensemble si vraiment on fait tous les scénarios qu'on doit faire, ce qui peut-être facilement nous amener à 6 mois, voire un an de jeu encore, quoi. Ou si on limite un peu le volume, hein. C'est tout à fait négociable également. Ok. Voilà, moi j'ai hâte de voir un petit peu Erin et puis Néné 2.0 à l'œuvre. Hein. J'aime bien les directions qu'elles prennent. Et puis effectivement, là, c'est. Bon, actuellement, je travaille beaucoup, je suis beaucoup en réflexion sur tout ce qui est magie noire et les logiques que ça implique et tout. Un peu dans l'esprit de systématiser un peu ça, de mécaniser ça un peu plus. Et par exemple, je suis content d'avoir formalisé le fait que bah voilà, que tu as commencé à maléficier, tu peux plus t'arrêter et du coup, tu es obligé de toujours trouver une nouvelle victime. Ça, c'est un truc que j'avais jamais formalisé comme ça. Et donc on va y revenir, on va explorer ça, et notamment justement, ça va être très drôle de voir comme on l'a évoqué là dans le prochain dans la suite du scénario, Je vais faire ben un truc. est-ce que Erin va trouver quelqu'un à maléficier ou pas, quoi. Je le dis à tête en off. Puis aussi Je la pense que rencontre c'est avec Krusty, parce que t'aimes ça. pas les goupilles, tu veux les Ouais, c'est maléficier ça. en priorité un goupil, et il y a un goupil dans le visage, vraiment il n'y en a qu'un, et ça c'est rigolo parce que du coup j'ai jamais joué où en fait il y avait toutes ces rumeurs sur lui avant même que vous voyiez d'habitude, bon bah on tombe sur lui un petit peu par hasard, quoi, et là il y a eu plein de rumeurs sur lui, donc c'est parce que comme t'as tout simplement par le pur logique, tu poses la question, est-ce qu'il y a un goupil dans votre village, donc là je suis obligé de vous en parler, Ah alors que mais d'habitude j'en parle pas, tu vois, c'est juste fortuitement plus tard dans le village tu le rencontres, quoi, tu ah. passes devant lui, quoi. Mais du coup c'est rigolo parce que c'est de faire un foreshadowing sur ce personnage de Krusty, là, le goupil, et puis que tu as très envie de rencontrer, puisque tu n'aimes pas les goupils, tu cherches quelqu'un à bénéficier et tout. Donc, je suis très impatient de voir ce que va donner cette rencontre avec Erin Krusty. face à Le le duel. duel. Et La voilà, combat j'espère que le épique entre côté. les deux. J'aime bien. Je me rends compte, en plus, comme ce scénario, il a un avantage, c'est pas tous les scénarios de la campagne qui sont comme ça, mais il a un avantage, on est vraiment sur la dimension que moi que j'aime beaucoup travailler, de tragicomique en fait. On a des éléments de burlesque mélangés avec des éléments beaucoup plus tragiques et tout. Donc du coup, on va continuer à explorer ça là, dans la suite, la prochaine fois, quoi. Voilà. À moins que vous ayez quelque chose à agiter, je pense qu'on va se donner congé. Nous sommes bon, on est agité. Et merci beaucoup, Sylvain Turian, et à une prochaine. Merci. Merci.